Le pistolet anglais par Marie Écart. Quoique cette année ait été pluvieuse et l'automne mêlé d'orages, les chasseurs n'en eût pas moins battu les plaines et les bois tout comme si nous avions joui du plus beau temps possible. Dans les premiers jours de septembre, M. Alfred de Germont apprit, malgré l'incertitude du temps, son fusil, sa veste de chasse, son carnier, sa poudre, son plomb. Il s'est fait suivre d'Azor, son bel épagneul, et s'est mis en voiture au plat d'étain à 8 heures du soir. Le lendemain matin, il était à Château-Thierry. Une fois dans la patrie de La Fontaine, il n'a eu que 3 petites lieues à faire pour se rendre chez M. de Lancey, vieil ami de sa famille, qui lui permet de chasser dans ses terres. M. Alfred de Germont n'est pas riche. C'est un étudiant en droit qui a sa fortune à faire, et quand on n'a ni bois, ni terre, ni parc, on est bien aise de rencontrer parmi les amis de sa famille un vieux marquis qui met à votre disposition de nombreuses compagnies de perdreaux et une quantité raisonnable de lièvres amoureux de thym et de rosée. Alfred fut reçu par le vieillard avec tant de grâce et de cordialité qu'il se reprocha d'être allé à la terre de Lancey seulement pour chasser et de n'avoir pas fait entrer en ligne de compte l'esprit et le bon vouloir d'un hôte aussi aimable que le marquis. Il négligea donc un peu les lièvres et les perdrix et devint assidu auprès du vieillard plus qu'il n'appartient à un chasseur. « Le temps est superbe pour l'affût, » lui disait M. de Lancey. « Allez tuer des perdrix, Alfred. Mon chef compte sur vous pour le rôti. »« Permettez-moi de ne pas sortir ce matin, monsieur le marquis, » répondait Alfred, « et veuillez souffrir, ma compagnie. Votre chef s'entend trop bien avec le garde-chasse pour que nous manquions de rôti. » Au fond, M. de Lancey ne demandait pas mieux que d'avoir auprès de lui un jeune homme gai et spirituel dont la présence raccourcissait ses journées et diminuait le poids de son isolement. M. de Lancey était fort riche, veuf et sans enfant. Quoique âgé de 70 ans, il était encore fort et vigoureux. Mais sans qu'il voulût en convenir, la solitude lui pesait. Et cependant, il ne voulait pas se décider à quitter sa terre pour venir à Paris. Alfred donna une nouvelle vie à l'intérieur du marquis. Il admira ses plantations, ses arbres demi-séculaires et surtout le château que M. de Lancey avait embelli et dont il avait changé toutes les dispositions intérieures. Le marquis, avec la prolixité des vieillards, faisait l'histoire de chaque meuble, mais en même temps, et avec le tact d'un homme de goût, il attachait à chaque circonstance futile quelques détails intéressants. Au bout d'une semaine, Alfred aurait pu écrire les chroniques du château de Lancey. Un jour, cependant, que le jeune homme était dans le cabinet du marquis, ses regards tombèrent sur un petit pistolet à manche d'ébène qui jusque-là avait échappé à ses investigations et au récit du vieillard. Alfred se permit d'étendre la main et de prendre le pistolet sur l'étagère de velours qui le soutenait. C'était un pistolet de poche de la fabrique de Menton, armurier célèbre, qui florissait à Londres vers la fin du dernier siècle et dont les fusils à double canon ont été longtemps recherchés par les chasseurs. Alfred examina avec attention cette arme. Il reconnut facilement que l'ouvrier l'avait fini avec un soin excessif et avait mis tout son talent à la rendre aussi sûre que juste. Les regards interrogateurs du jeune homme allaient de l'arme qu'il tenait à la main au marquis et semblaient demander un de ces récits dont jusque-là M. de Lancey avait été si prodigue. « Ceci, » dit M. de Lancey en prenant le pistolet et en soufflant sur la batterie pour faire disparaître un peu de poussière qui s'y était engagée, « ceci est l'histoire de ma vie, mon cher Alfred. » C'est une aventure de ma jeunesse qui a failli me coûter la vie et l'honneur. L'honneur ? S'écria Alfred. Vous, monsieur le marquis, en danger de perdre l'honneur ? Hélas, oui. De quelque nom qu'on décore un assassinat. Il n'en est pas moins flétrissant pour l'assassin, et je vous avoue que j'ai pendant 3 mois nourri le projet d'assassiner quelqu'un. Vous ? Oui. Ce pistolet, ajouta le marquis en se reprenant, c'est l'histoire de quelques folles pensées d'amour. C'est l'histoire de mon mariage et en même temps, celle du long bonheur dont j'ai joui avec madame la marquise de Lancey, à laquelle je dois ma fortune. À ce soir, Alfred. Ce soir, je vous conterai une histoire. Vous la préférez sans doute au sang de piquet auquel je vous condamne depuis 8 jours. Le soir venu, M. de Lancey s'établit commodément dans son fauteuil, fit ranimer le feu par son domestique et quand il fut seul avec son jeune ami, quand les portes furent closes et que nul important ne put venir les troubler, le vieux marquis commença. « Vous savez, mon ami, que je descends d'une famille distinguée mais peu riche. J'étais, il y a 50 ans, bon gentilhomme, l'héritier futur d'une terre qui devait me donner à peine de quoi vivre. Mon père emprunta pour m'envoyer à Versailles, et j'entrai dans les gardes du corps. L'année 89 commençait, et je n'avais pas 16 ans. J'étais le plus jeune des gardes du corps et le moins riche. Mon père mourut bientôt et me laissa sans autre protecteur que le roi et la reine de France. Nous touchions au moment où, pour la première fois peut-être depuis bien des siècles, cette protection devait être sans valeur. Le roi ne daigna pas s'occuper de moi. La reine me distingua et m'accorda une petite pension sur sa cassette. Cette faveur inattendue m'inspira la plus vive reconnaissance, et je jurai de sacrifier ma vie pour Marie-Antoinette si jamais elle avait besoin de mon bras. Les mauvais jours ne tardèrent pas à arriver pour elle. Je ne vous raconterai pas les dangers que j'ai courus ni les efforts que je tentais pour la sauver. Cela m'entraînerait dans de trop longs détails et nous éloignerait trop de l'histoire de ce pistolet que vous tenez à apprendre et que je vous ai promise. En 1800, j'étais à Londres, émigré, et j'avais 20 ans. Comme tous mes compagnons d'exil, je nourrissais une haine profonde contre le gouvernement français. Nous avions vu les merveilles de la République, mais semblables aux tribus d'Israël, ces merveilles frappaient nos oreilles sans ébranler nos cœurs. L'homme dont la fortune excitait surtout au plus haut degré notre haine et notre indignation, c'était Bonaparte, le premier consul. Nous ne lui pardonnions ni sa gloire, ni son bonheur. Sur de faux rapports, nous avions cru que le jeune général républicain voulait renouveler en France le rôle que Monk avait jadis joué en Angleterre et qu'après s'être emparé du pouvoir, il le remettrait au roi légitime. Le premier consul n'avait garde d'y songer et nous le regardions comme un usurpateur qui volait à Louis XVIII son sceptre et sa couronne. Ce fut à cette époque qu'eut lieu l'explosion de la machine infernale. Elle arriva au moment où la réaction contre les Jacobins était la plus ardente. Un mois après la tentative de Demerville, Arena, Serraki, Diana et Topineau-Lebrun. Les soupçons se portèrent donc d'abord sur les Jacobins. Le premier consul adopta cette opinion avec chaleur. Un instant même, on crut à la disgrâce de Fouché, qu'on accusait de protéger les Jacobins, et qui dénonçait les Chouans comme les véritables auteurs du crime. Il ne fallut rien moins que des preuves matérielles et multipliées pour détromper le premier consul. Et cependant, quoique les coupables fussent connus, la proscription des Jacobins n'en eut pas moins lieu. Elle fut seulement moins nombreuse. 40 furent déportés aux îles Seychelles pour un crime commis par des Chouans. Le coup partait de l'Angleterre. C'est là qu'il avait été conçu. C'était Lord Pitt qui l'avait soudoyé. Il y fit beaucoup de sensations. On admira le bonheur de Bonaparte, qu'une divinité protectrice semblait garantir de tout danger. Picot de Limoilan, Saint-Régent, La Haye Saint-Hilaire étaient des officiers de l'état-major de Georges Cadoual et avaient à Londres des amis qui haïssaient autant qu'eux-mêmes le premier consul. Un jour, l'un d'eux cause avec moi de cet événement. « Avec vous ?» dit Alfred. « Vous connaissiez ces gens-là ? » ?»« Hélas, oui !» répondit le marquis. « Ces gens-là, de la manière de voir me fait aujourd'hui horreur, étaient alors mes compagnons d'exil et mes amis. » Je ne puis que déplorer, dis-je à cet homme, le parti qu'ont pris Limoilan et Saint-Régent. Tuer Bonaparte, se défaire de l'usurpateur, rien de mieux. Mais détruire nos rues, écraser les Français sous les débris de leurs maisons, voilà ce que je ne puis pardonner à ces messieurs, voilà ce qui me révolte et m'indigne. Mon indignation n'obtint qu'un sourire de pitié, j'ajoutai alors, je vais plus loin. Ces messieurs ont manqué de courage. Qu'est-ce en effet que le premier consul ? Un homme qui usurpe le trône de Sa Majesté, de Louis XVIII, et qui refuserait un duel si on lui faisait l'honneur de lui en proposer un. Il est donc permis de le tuer, puisqu'il n'accepterait pas un combat régulier, et qu'il ne reste que ce moyen de replacer le roi de France sur son trône. Mais on n'a le droit que de répandre seulement le sang de l'usurpateur, et encore il faut s'exposer personnellement, avouer son action et ne pas fuir après avoir fait le coup. C'est un combat à mort, où les deux adversaires doivent rester sur le champ de bataille, eux deux seuls, ou du moins l'un d'eux. « Voilà, » continua M. de Lancey, « voilà, mon cher Alfred, comment je pensais en 1800. » Et j'exprimais cette opinion devant un homme habile à animer mon courage et à exploiter ma vanité. « Cela vous serait bien facile, » me dit mon compagnon, « à vous, dont l'adresse est si excessive qu'avec un pistolet vous tirez les hirondelles au vol et qu'à 100 pas vous enlevez le bouchon d'une bouteille ou partagez une balle sur la lame d'un couteau. » Cette conversation avait lieu dans une des meilleures tavernes de Londres. Quelques émigrés survinrent et mon compagnon leur parla de ce que je venais de dire comme d'un projet arrêté de tuer Bonaparte. On exalta mon courage, on m'accabla de louanges, on me prédit l'immortalité, on m'enivra tellement que je me trouvai engagé dans cette action périlleuse seulement pour vous indiquer un moyen de l'accomplir. Insensé, qui croyons que le premier consul mort, les Bourbons n'auraient qu'un pas à faire pour remonter sur le trône, et qui, comme toujours, comptions la nation pour rien. Cependant, il faut l'avouer, cette coupabilité ne me déplaisait pas. J'étais imbu de tous les préjugés de ma caste, j'avais soif de venger mon roi, ma reine. Je n'avais rien compris au grand mouvement qui s'était opéré en France. En un mot, je ne savais pas ce que c'était que la Révolution. Je quittais mes amis décidés à accomplir ce coup hardi, à tenter ce que j'appelais un duel avec Bonaparte. La seule chose qui me causa quelque contrariété, c'était de m'être ouvert à 3 ou 4 personnes. Je voulais n'avoir aucun complice et pouvoir disposer à ma volonté du temps, du lieu, des moyens. Je revis donc mes amis et leur déclarai que de nouvelles réflexions me faisaient abandonner ou du moins ajourner le projet conçu la veille. La tentative de Saint-Régent était trop récente. Il était nécessaire de laisser se dissiper les craintes et s'assoupir jusqu'au soupçon. J'avais un vieux parent, émigré comme moi et retiré à Édimbourg. Je déclarai qu'avant de rien entreprendre, je voulais l'aller voir, et je feignis de partir pour l'Écosse. Quelques jours après, je débarquai à Boulogne, accompagné d'un petit domestique anglais fort intelligent que depuis quelque temps j'avais à mon service. J'étais possesseur d'une somme assez considérable, gagnée au jeu une semaine auparavant. Je pouvais donc vivre à Paris indépendant et aussi répandu ou aussi isolé qu'il me conviendrait de l'être. Une fois à Paris, la première chose dont je m'occupais fut de me faire radier de la liste des émigrés, ce que j'obtins facilement. Je voulus ensuite connaître la nouvelle société qui m'entourait. Je trouvai de nouvelles mœurs, de nouvelles institutions, des vices différents de ceux d'autrefois, des vertus qui semblaient être nées d'hier. La France, en entrant dans un siècle nouveau, semblait avoir rejeté tout souvenir de l'ancien et avoir perdu la mémoire du passé. Une chose m'étonna, sans néanmoins me désabuser. On avait oublié les Bourbons. Personne ne se les rappelait, ou du moins personne n'en avait l'air. Les Français ne s'informaient pas d'eux, ne prononçaient pas même leur nom, et ressemblaient à ces hommes qui, délivrés par le réveil d'un mauvais rêve, ne permettent pas à leur imagination d'en conserver la trace. Tous les esprits, au contraire, étaient pleins de la gloire du premier consul. On s'occupait de lui seul et de son armée. Ses généraux semblaient tirer de lui tout leur lustre. Il fixait leur rang, il leur distribuait à son gré le blâme ou l'éloge, et sa parole était un arrêt. C'était un nouveau César. Je me rappelais que Brutus était patricien. Mon projet était aussi simple qu'il me paraissait facile à exécuter. Je n'avais ni confident ni complice, et je me rendais à l'opéra seul. Là, j'attendais le premier consul, et la première fois qu'il paraissait, je tirai de ma poche ce pistolet que vous voyez, Alfred, et j'ajustai le grand homme que je ne pouvais pas manquer d'abattre, moi qui abattais des hirondelles au vol. Je me familiarisai avec la salle de l'opéra. Je choisis une place commode pour mon projet au balcon à la gauche de l'acteur, presque vis-à-vis la loge du premier consul. Bientôt l'ouvreuse me fut toute dévouée, et elle s'habitua à marquer cette place d'un mouchoir ou d'un gant ou d'une lorgnette. Je devins un habitué, un des meubles de l'opéra, et comme j'étais joli garçon et toujours mis avec élégance, on se demandait si ce muscade ainsi assidu était amoureux de Bigottini ou de Gardel, ou bien si c'était la voix de Laïs qui le séduisait. Voilà la vie que j'ai menée pendant 3 mois à Paris. Le matin, chez moi, seul, livré aux soins de mon petit domestique anglais John, à 4 heures dînant chez le Jacques, et le soir au balcon de l'opéra. Il faut ajouter qu'après mon dîner, je revenais chez moi faire ma toilette et prendre mon pistolet, dont je renouvelais la charge tous les jours. Une fois à l'opéra, assis à ma place, mes regards se portaient naturellement sur la loge vide du premier consul, et je me représentais la scène qui suivrait mon attentat. Je me voyais tirant de ma poche ce petit pistolet de menton. J'entendais le bruit sec que faisait la batterie quand je l'armais. J'étendais le bras, le coup partait, et Bonaparte tombait sanglant dans le fond de sa loge. Alors, le cri des femmes, la stupéfaction du public, le silence de l'orchestre, Madame Branchu s'arrêtant au milieu d'une roulade, ou Bigottini retombant sur les planches rebondissantes, et moi, agitant dans mes mains un mouchoir blanc et criant « Vive le roi !» Tout cela se peignait à mon imagination en traits distincts et colorés. J'étais le principal acteur de cette scène tumultueuse et terrible, dont ma mort devait sans doute être le dénouement. Je présentais donc ma poitrine au sabre des véliques du consul, et à mon tour, je tombais sans vie aux pieds des élégantes citoyennes qui m'entouraient. Tout en me familiarisant avec ces pensées, je commençais à comprendre qu'on ne tire pas sur un consul avec autant de sang-froid que sur une hirondelle. Mais je n'en persistais pas moins dans mon projet. Le péril auquel j'allais m'exposer ennoblissait mon action. Je n'étais pas un assassin, j'étais un ennemi qui venait donner la mort et la recevoir. J'étais comme le soldat qui met le feu à une mine, sûr d'être enseveli sous la forteresse qu'il va renverser. Un soir, un jeune homme vint s'asseoir auprès de moi, et après un moment de silence, il se pencha vers mon oreille et me dit « Seriez-vous assez bon, monsieur, pour me donner un instant d'audience ?» Je regardais ce jeune homme. Il avait une figure commune, était mis avec richesse, mais peu de goût, et quoiqu'il affectât beaucoup de sang-froid, son agitation se décelait malgré lui dans ses regards. « Volontiers, répondis-je, de quoi s'agit-il ? » « Oh, peu de choses, monsieur. Mais encore, au foyer, monsieur, si vous le voulez bien. Au foyer, soit. » Et je suivis cet inconnu avec une palpitation de cœur dont je ne fus pas maître. On parlait beaucoup dans ce temps-là de l'habileté de Fouché, ministre de la police, et ce jeune homme pouvait être un de ses espions. Mais comme ma bouche ne s'était jamais ouverte pour parler de mon projet, je n'avais contre moi que ma qualité d'émigré et le pistolet chargé qu'on aurait découvert sur moi. Pour le premier de ces griefs, ma radiation devait me garantir de toute poursuite. Pour le second, j'aurais objecté le peu de sûreté des rues de Paris et le quartier désert que j'habitais. Je suivis donc cet inconnu qui, une fois seul au foyer avec moi, redoubla ma crainte par ses premières paroles. « Monsieur, j'ai un petit service à vous demander. » Ma bouche se ployait difficilement à une locution alors encore en usage. J'y recourus néanmoins dans cette occasion. « Lequel, citoyen ? » répondis-je. « Je viens vous prier de vouloir bien quitter la place que vous occupez à l'opéra et d'en prendre une autre. Par exemple, si au lieu de vous asseoir à la gauche de l'acteur comme vous le faites, vous vous placeriez à sa droite. Je vous serais fort obligé de cette complaisance. » « Je vous l'ai dit, Alfred, » continua M. de Lancey, « je n'avais rien écrit, rien confié. Je crus cependant qu'un génie chargé de veiller sur les jours du premier consul avait révélé à Fouché mes pensées les plus secrètes et que j'étais perdu. C'était le cas de mourir avec grâce, de lutter avec esprit et légèreté. Je mis donc dans mes manières autant d'insolence polie qu'il me fut possible d'en mettre et, prenant un ton moitié œil de bœuf, moitié muscadin, « Par la sangbleu, citoyen, dis-je, sur l'honneur, je suis vraiment fâché de ne pouvoir pas faire ce que vous demandez. Vraiment, c'est un sacrifice au-dessus de mes forces. » Et je voulus me retirer pour les reprendre ma place. Le jeune homme me retint. « Vous refusez, monsieur. Demandez-moi toute autre chose et je serai ravi de vous être agréable. Une place au balcon, non, parbleu. C'est votre dernier mot. Parole d'honneur, vous m'obligerez de ne pas insister. » « Alors, monsieur, me dit ce jeune homme, vous ne refuserez pas de vous battre avec moi demain. » « Je m'attendais à toute autre chose, poursuivit le marquis. Et quoiqu'il soit pénible de se battre avec le premier menu, je me hâtais d'accepter et j'allais reprendre ma place. Quand l'opéra fut fini et que, retiré chez moi, je peux me livrer à mes réflexions, je supposais que le lendemain je trouverais sur le pré non un adversaire, mais un agent de Fouché, qui m'arrêterait sans doute et me conduirait au donjon de Vincennes, et j'admirais la maladresse de la police, qui aurait bien me trouvé son compte à une arrestation immédiate. Le lendemain, j'arrivais seul au lieu du rendez-vous. Mon adversaire m'y avait précédé avec deux témoins. « Citoyen, lui dis-je quand je vis qu'il s'agissait sérieusement d'un duel, quoique français, je suis cependant à Paris sans famille et sans amis. Qu'un de ces messieurs veuille bien passer de mon côté, notre partie sera régulière. » Ma proposition fut acceptée et, sans ajouter un mot, nous croisâmes le fer. Hélas, mon ami, ce jeune homme si querelleur, qui, pour un motif en apparence frivole, s'était hâté de provoquer un duel, savait à peine tenir l'épée. je le blessai à la première passe, et tout en protestant que je garderais ma place à l'opéra, je ne voulus pas aller plus avant. Mon adversaire, convenablement placé dans un fiacre et moi seul avec l'honnête homme qui avait bien voulu me servir de témoin, « Monsieur, lui dis-je, je vous prie de croire que je suis fâché de ce qui vient d'arriver. Ce qui me console un peu, c'est que la blessure de votre ami est légère. Vous le pensez ?» me répondit mon témoin, qui, peu familier avec ces sortes d'affaires, me parut tout troublé. « Vous croyez que mon ami Bernard n'en mourra pas ?»« Je vous en réponds, » dis-je. « Ah, mon adversaire se nomme Bernard. »« Oui, monsieur. » »« Il est fort singulier, votre ami Bernard. S'il se fait une habitude de rencontre pareille à celle de ce matin, je ne lui donne pas 6 mois de vie. » « Pourquoi cela, monsieur ?»« Parce qu'il me paraît aussi querelleur que malhabile à manier l'épée. Il m'a provoqué hier soir de la manière la plus inattendue et la plus ridicule. »« Ridicule ?» s'écria mon témoin. « Hélas, il s'agit de sa vie, il s'agit de son bonheur. »« Comment, monsieur ? » dis-je à mon tour. « La vie de monsieur Bernard dépend de la place que j'occupe à l'opéra. »« Expliquez-vous de grâce. J'ai eu quelques raisons pour ne rien lui demander à lui-même, mais je serais ravi de savoir le fond de tout ceci. »« Eh, vous le savez bien ?» répliqua l'ami de monsieur Bernard. « Moi, je veux mourir si je m'en doute. » La chose était facile à expliquer. Voici ce que j'appris. Vis-à-vis de la place que j'occupais aux secondes loges, par conséquent au-dessus de la loge du premier consul, se trouvait la loge de monsieur Van Burner, hollandais, qui, sous le directoire, s'était prodigieusement enrichi dans les fournitures, et dont la fortune dépassait les bornes ordinaires de la richesse des particuliers. Monsieur Van Burner comptait par millions et avait une fille unique que mon adversaire, monsieur Bernard, devait épouser. Ma présence à l'opéra, ou sans le savoir, je me plaçais sous les yeux de mademoiselle Berthe Van Burner, dérangea des projets arrêtés. Le mariage était décidé. Il devait avoir lieu dans quelques semaines lorsque mademoiselle Berthe, qui jusque-là n'avait montré aucune répugnance pour son futur époux, commença à élever quelques difficultés. Elle se dit malade, elle demanda du temps, et cependant elle recevait tous les jours plus froidement M. Bernard. C'était une jeune personne charmante, mais aimée par son père jusqu'à l'idolâtrie. M. Van Burner obéissait aux moindres fantaisies de sa fille. M. Bernard, avec la perspicacité naturelle aux amants, ne tarda pas à se convaincre que j'avais fait sur elle qu'il aimait une impression profonde. Il résolut alors de m'éloigner ou de se défaire de moi s'il le pouvait. De là sa prétention de me faire quitter une place où la jeune fille pouvait me voir tous les jours d'opéra. « Monsieur, dis-je froidement à l'ami de M. Bernard qui me donnait ces détails, comme je l'ai dit hier à votre ami, j'en suis fâché, mais il m'est impossible de me déplacer. » Je saluai, et j'allais déjeuner chez le Suisse des Tuileries. Malgré ma haine pour le premier consul et mon dévouement chevaleresque, ou, si vous voulez, brutal pour les Bourbons, je n'appris pas sans émotion qu'une jeune fille immensément riche m'avait distingué et s'était prise pour moi d'un sentiment de préférence si violent qu'elle était sur le point de rompre un mariage presque conclu. Je n'avais pas remarqué mademoiselle Van Burner. Mais l'ami de M. Bernard ne m'avait pas laissé ignorer qu'elle était fort jolie. Je pouvais donc, seulement en répondant aux attentions d'une jeune et jolie personne, faire ma fortune. C'était tentant, cela valait mieux que de me faire le héros d'une tragédie homicide, que de courir au martyr en tuant le premier consul. Je rentrais chez moi sans avoir du tout renoncé à la mission que je m'étais donnée. Mais en songeant qu'il serait fort agréable d'avoir pour compagne une jolie femme, de vivre sans soucis, sans chagrin, au milieu de toutes les recherches du luxe, et de puiser à mon gré dans la caisse intarissable d'un fournisseur. Le lendemain, j'allais de très bonne heure à l'opéra. Il y avait encore fort peu de monde quand j'arrivais, et mon premier soin fut de lever les yeux sur la place qu'on m'avait à peu près indiquée. Je vis seul, dans une loge, une fort belle personne, mise avec une extrême élégance, et qui pouvait avoir 24 à 25 ans, l'allure libre, le regard hardi, et vêtue d'une façon riche mais hasardée. Elle arrêta sur moi des yeux pleins de bonne volonté et m'adressa un sourire très expressif. Ce n'était pas là, sans aucun doute, mademoiselle Van Burner. Je sortis pour aller aux informations. L'ouvreuse qui me conservait ma place me mit au fait. « Cette dame, me dit-elle, en faisant un petit geste gracieux, est la citoyenne Fulvie, une des femmes les plus à la mode aujourd'hui, et ce n'est pas sans raison. » « Vous êtes fort heureux, citoyen, si elle vous a remarqué. Bien des généraux du premier consul voudraient être à votre place. »« Oh, citoyen, tout le monde ne convient pas à la citoyenne. » J'avouais que la citoyenne méritait toutes ses louanges. et après avoir pris ces informations, je regagnai ma place, et je m'aperçus que la loge qui touchait celle de la citoyenne Fulvie n'était plus vide. Un homme de 50 ans environ et une jeune personne l'occupaient. C'était M. Van Burner et Mlle Berthe Van Burner qui venaient d'arriver. Mlle Berthe, dont la pâleur et la rougeur alternatives décelaient l'amour, était d'une beauté remarquable. De beaux cheveux noirs, des yeux fendus en amande, un visage d'un ovale parfait. Tout cela me parut bien au-dessus de ce que méritait la passion de l'infortuné M. Bernard. Timide et embarrassé, je crus néanmoins voir dans les yeux de la jeune fille que l'issue du combat de la veille ne lui déplaisait pas, et je me sus bon gré d'avoir inspiré de l'amour à une aussi belle personne. Je quittai l'opéra, presque amoureux. Quelques jours après, une vieille dame vint chez moi. Elle se dit comtesse ou marquise, et surtout ruinée par la Révolution, elle prétendit en outre avoir été autrefois très liée avec ma famille. Je crus qu'elle venait mettre ma bourse à contribution. Il n'en était rien. « Mon cher marquis de Lancey, me dit-elle, il n'y a rien qui me rende malheureuse comme de voir des gens tels que vous, de bons gentilshommes, être privés de leur position et de leur fortune. C'est cette maudite révolution qui en est cause. Elle a tout brouillé, tout confondu. Et il faut vraiment un peu céder soi-même pour reparaître dans le monde avec les avantages auxquels on a droit. Par exemple, vous, monsieur le marquis, vous étiez riche et la révolution vous a ruiné. Je n'étais pas riche. « Lui dis-je. Vous étiez fait pour l'être, marquis, et vous le seriez devenu, ou du moins vous auriez fait, sans la Révolution, une grande fortune militaire. C'est possible. Eh bien, marquis, il faut entrer dans l'armée. C'est une pépinière de généraux. Moi, servir Bonaparte ? » m'écriai-je. « Jamais. » Et cette proposition me révolta tellement que mon secret fut près de m'échapper. « Très bien, monsieur le marquis, répondit la vieille dame. Vous pensez absolument comme moi. Si j'avais un fils, et qu'il mit jamais à son chapeau cette maudite cocarde tricolore, s'il prenait jamais parti pour le Corse, je l'étranglerais de mes propres mains. Mais, mon cher marquis, continua-t-elle, il n'en faut pas moins vivre, et croyez-moi, vivre agréablement, c'est le principal. Cette philosophie n'est peut-être pas de mon âge, mais elle est du vôtre, marquis. Vous ne voulez avoir aucun rapport avec le gouvernement nouveau, soit je suis de cet avis. Eh bien, vous êtes jeune, joli garçon, vous avez un beau nom, ce qui est toujours quelque chose, quoi qu'on en dise. Que ne vous mariez-vous ? Madame, répondis-je à ce négociateur en jupon, venons-en au fait. Vous venez me proposer d'épouser Mademoiselle Van Burner. C'est cela même. Van Burner a 3 ou 4 millions, Mademoiselle Van Burner est fille unique, elle héritera de cette immense fortune qui aujourd'hui est à l'abri de tous les orages. La jeune personne est charmante et elle se meurt littéralement d'amour pour vous. Ce sont de ces occasions qui ne se rencontrent pas deux fois. Heureux ceux à qui leur bonne fortune les présente une fois seulement. Réfléchissez, mon cher marquis. Cette femme m'étonnait. Elle me donnait avec assurance un titre à leur proscrit et me demandait de réfléchir à une chose qui n'exigeait pas de longues réflexions. Je n'avais que la cape et l'épée, et mon épée, je ne pouvais pas l'employer. J'acceptais. Il fut convenu que le soir même, je sortirais de l'opéra avant le ballet et que mon officieuse et nouvelle amie me conduiraient chez M. Van Burner. « Ce que c'est que d'être joli homme ?» dit la vieille dame en me quittant. « Mademoiselle Van Burner a déclaré à son père qu'elle mourrait si elle ne vous épousait pas. » À peine la vieille dame fut-elle sortie que je reçus une autre visite. Cette fois, c'était un petit domestique à livrée bleue et à la mine effrontée qui me remit une lettre. La belle Fulvie m'écrivait. Celle-ci ne m'appelait pas marquis, mais citoyen. Et elle employait le « tu » dont l'usage n'était pas encore tout à fait tombé en désuétude. « Citoyen, me disait-elle dans son billet très laconique, j'ai te parlé d'affaires très particulières et je t'attends à minuit après l'opéra. Je te crois trop galant homme pour manquer un rendez-vous pareil. » Je fis une réponse gracieuse à la citoyenne et renvoyai mon message en lui donnant quelques pièces d'or. « Très bien, me dis-je, la fortune, l'hymen et l'amour me viennent en aide. En sortant de chez M. Van Burner, j'irai chez la citoyenne Fulvie. » Je passai la journée joyeusement, et le soir, avant l'opéra, j'allai chez moi faire ma toilette. Je pris machinalement ce pistolet, Alfred, je le chargeai comme d'habitude, et le plaçant sur un meuble, je donnai un dernier coup d'œil à mon miroir. J'ai été toujours mis avec élégance, mais ce soir-là, je redoublai de soins et de coquetterie. Il me fallait plaire à deux femmes. De l'une, j'attendais une nuit de plaisir, ma fortune dépendait de l'autre, la salle était pleine quand j'arrivai à l'opéra. Dans le couloir, je me croisai avec le petit messager de la citoyenne Fulvie, et souris en m'apercevant. Quelques pas plus loin, je rencontrai la vieille dame qui m'avait fait l'honneur de venir chez moi le matin. Elle se rendait dans la loge de M. Van Burner. « Bien, me dit-elle, vous êtes mis à peindre. Vous êtes un homme de bon goût. À ce soir, après l'opéra. » Mon ouvreuse ne m'avait pas oublié, et je pus m'asseoir à ma place accoutumée. J'eus le plaisir de voir du même coup d'œil Mademoiselle Van Burner, belle de sa jeunesse et de ses espérances, et la citoyenne Fulvie, dont les regards avaient une vivacité et une expression extraordinaires. Une mince cloison séparait ces deux femmes, si loin toutes deux de se douter qu'elles étaient rivales. Je les considérais avec une attention qui leur plaisait également à toutes deux. « Vous devez, Alfred, prendre une bien mauvaise opinion de votre vieille amie. Je ne dissimule pas aujourd'hui l'immoralité de ma conduite, et je vous en fais naïvement l'aveu. Il faut songer cependant que j'étais jeune, et surtout que je n'avais pas encore eu l'honneur de voir Mademoiselle Van Burner. Sa bouche n'avait encore fait ni aveu ni promesse. Eh bien, dans ce moment-là même, et malgré tout le plaisir qui m'attendait chez la femme à la mode et galante qui me couvait des yeux, je me demandais si j'acceptais le rendez-vous dangereux qui pouvait me coûter une femme charmante et 1 million de dot. « Ah, baste, me disais-je, je suis encore libre. Je le serai encore pendant 15 jours au moins. Il vaut mieux faire une folie avant mon mariage qu'après. Mademoiselle Van Burner ne sera jamais instruite. Je ne lui dois rien encore, et pour mon futur beau-père, c'est un ancien fournisseur, il doit en avoir fait bien d'autres. » C'est ainsi que j'apaisais ma conscience, et je m'amusais cependant à comparer ces deux femmes dont j'occupais l'imagination, et je faisais battre le cœur. Ma femme, je lui donnais déjà ce nom, était une des plus gracieuses personnes possibles. Malgré cette passion dont elle s'était éprise subitement pour moi, et dont je ne pouvais pas lui savoir mauvais gré, sa figure virginale et pure respirait l'innocence et la paix. La citoyenne Fulvie, au contraire, avait dans toute sa personne je ne sais quel abandon voluptueux qui faisait naître les désirs. Dans sa figure agaçante et mutine, on voyait je ne sais quoi d'engageant et de séducteur qui promettait une maîtresse comparable au moins à la scintille du poète. Tout d'un coup, un mouvement inusité agite la salle entière, le roulement du tambour se fait entendre, et le premier consul paraît dans sa loge. C'était lui-même, et il était seul. Les bras croisés sur la poitrine, il s'inclina devant le public, il le salua de ses acclamations, et le spectacle commença. Je voyais Bonaparte pour la première fois. Jusque-là, j'avais fui l'aspect de cet homme que je ne voulais pas connaître, que je voulais assassiner. J'ai été blessé de trouver son effigie sur la monnaie et son portrait chez tous les marchands d'estampes de la capitale. À l'aspect de cette figure maigre, mais belle et pâle, qu'encadraient des cheveux noirs, de ses yeux doux et brillants, de ce front pur, une sueur froide m'inonda, je me sentis défaillir, et mon coude venant à s'appuyer involontairement sur mon habit, je sentis ce pistolet, Alfred, qui ne me quittait pas, ce pistolet, instrument de mort, et que j'avais chargé 2 heures auparavant. Je me rappelais alors la mission que je m'étais donnée et que, depuis quelques jours, j'avais complètement oubliée. Je n'étais point venu en France pour m'enrichir par un heureux mariage, pour passer mes nuits dans les folies de l'amour. Non, j'étais un ancien garde du corps de Louis XVI, j'étais émigré, et l'homme que je devais tuer était là devant moi, et soit par l'effet du hasard, soit autrement, attachait ses regards sur ma personne et semblait défier ma colère et ma vengeance. Le premier consul, en effet, dirigeait vers moi ses regards perçants. Immobile et fier, on aurait dit qu'il avait deviné mes desseins, mais qu'en même temps, il se savait protégé par l'invisible bouclier de la Minerve, ou garanti de tout danger par cette étoile, qu'il prétendait voir briller lui seul dans le ciel. J'hésitais. Quelque chose dans le cœur me disait d'agir, et mon bras paralysé refusait d'obéir à cette volonté douteuse qui m'agitait. L'état où j'étais est facile à décrire. Je n'avais le sentiment que de mes sensations. J'ignorais quelles pièces on jouait et quels acteurs étaient en scène. Il est probable qu'il se présenta quelque allusion favorable à Bonaparte, car de tous les coins de la salle partit le cri « Vive le premier consul !» Mes lèvres frémirent, ce cri me parut un défi jeté à mon courage, et recueillant toutes mes forces, j'allais agir quand mes yeux se portèrent sous la loge de Mademoiselle Van Burner. Il me parut qu'elle me regardait d'un air suppliant, qu'elle me disait « Malheureux, ne vous perdez pas, si vous mourez, moi je succombe. » La citoyenne Fulvie me souriait toujours et de ses lèvres de corail il me semblait voir s'échapper ces paroles. « La vie est courte, ami. Ne la perds pas en noir complot. Laisse là les armes perfides du Thrace. Et viens dans les bras de Saint-Y. » Louis XVIII perdit sa cause. Je quittai ma place et je me rendis au foyer pour calmer un peu mon émotion et pour respirer plus à l'aise. J'avais pu tuer le premier consul et je ne l'avais pas fait. Je me dis alors que Louis XVIII lui-même n'aurait pas approuvé cette manière de se défaire d'un ennemi. Peut-être, continua le marquis en prenant la main d'Alfred, qu'il écoutait avec la plus grande attention, peut-être, quand je me raisonnais ainsi, n'étais-je rien autre chose qu'un jeune homme amoureux à qui les beaux yeux d'une courtisane et l'espoir d'une fortune inespérée faisaient oublier ses haines politiques. Je le crois. Convenez alors que l'amour et la fortune sont bons à quelque chose. Une fois que j'eus ainsi changé de sentiment, l'air resserré du foyer ne me suffisant pas, je voulus sortir un moment pour aller respirer à l'aise et plus librement sur les boulevards. À la porte de l'opéra, quatre personnes m'entourèrent. Deux me forcèrent d'accepter leurs bras, et on me fit monter dans une voiture accompagnée de mes quatre acolytes. J'étais perdu. Mon mariage était manqué. Ma première pensée fut que j'étais la victime de mon rival, M. Bernard. Ce jeune homme devait être riche. Il devait tenir à une famille qui pouvait avoir du crédit. C'était d'autant plus facile à croire que le mariage qui devait l'unir à Mademoiselle Van Burner était un mariage de proposition. M. Bernard avait donc une fortune proportionnée aux richesses de M. Van Burner. Furieux de se voir supplanté, il avait recherché le nom et les antécédents de celui qu'on lui préférait, avait appris que j'étais un ancien garde du corps, un ancien pensionnaire de la reine, un émigré, m'avait fait passer pour un homme dangereux, et on m'avait arrêté d'autant plus volontiers que le gouvernement consulaire ne devait pas voir avec plaisir qu'un gentilhomme comme moi devint puissamment riche du jour au lendemain. Je crus donc qu'on me conduisait à Vincennes ou au Temple, et que je serais renfermé dans quelque donjon jusqu'au moment où M. Bernard serait l'heureux époux de la riche héritière. Quoique l'espoir d'épouser Mademoiselle Van Burner fût fort doux pour moi, je regrettais plus ma liberté que mon mariage en affectant de traiter légèrement un accident qui me troublait néanmoins beaucoup. « Messieurs, dis-je, où me conduisez-vous? Prétendez-vous me retenir longtemps? Et d'abord, au nom de qui m'arrêtez-vous? » « Nous exécutons les ordres de Monsieur le ministre de la police, » me répondit-on. « Monsieur le ministre de la police, dis-je, me fait trop d'honneur de s'occuper de moi. Il m'aurait rendu le plus grand service, il ne m'eût fait arrêter que demain. J'ai ce soir des affaires particulières qui n'intéressent la police en aucune façon, et j'ai besoin de ma soirée. » J'étais entre les mains d'agents subalternes qui avaient reçu l'ordre de s'emparer de moi sans bruit, sans scandale, et je n'obtins aucune réponse. Heureusement, mon voyage en compagnie de ces messieurs ne fut pas long. Au bout de 10 minutes, le fiacre s'arrêta et on me fit entrer dans l'hôtel de M. le ministre de la police. « Vous étiez dénoncé ? » s'écria Alfred, qui jusque l'avait écouté en silence. « Vous allez voir, » répondit le marquis. On m'introduisit dans l'antichambre de M. le ministre. Et un jeune homme, un muscadin de la figure la plus ouverte et la plus avenante, demeura auprès de moi pour diminuer sans doute la longueur du temps par les agréments de sa conversation. Je l'aurais volontiers tenu quitte de ce soin, et si j'avais tenu la dot de Mademoiselle de Van Burner, je crois que j'en aurais donné la moitié pour être un instant seul. « Monsieur sort de l'opéra ? » me demanda ce jeune homme. « Oui, monsieur. » Pour moi, je le dis sans honte, quoique cela fasse suspecter mon goût, l'opéra m'ennuie. J'aime mieux Nicolet, et surtout les variétés amusantes. Avez-vous été quelquefois, monsieur, aux variétés amusantes ? Jamais, monsieur. Je suis un habitué de l'opéra. Alors vous serez fâché de n'y avoir pas été ce soir. Le premier consul y est. Je sors de l'opéra, monsieur. J'ai vu le premier consul. A-t-il été bien accueilli, monsieur ? Monsieur, répondis-je à cette dernière question, j'ai le plus grand tort envers le premier consul. Vraiment ? « Oui, monsieur. À peine si je l'ai vu. À peine si je sais ce qui s'est passé dans la salle. »« Je suis amoureux, monsieur. Amoureux et en perdant la tête. Et à l'opéra, je n'ai vu qu'une seule personne, la femme que j'aime. Mes regards ne pouvaient la quitter. Je suivais tous ses mouvements. Rien de ce qui s'est passé autour de moi n'a pu me distraire. Et je le regrette de ne pouvoir vous dire. « C'est comme moi, » dit mon interlocuteur officieux. « Je suis amoureux d'une actrice des variétés. » Et franchement, voilà la cause de ma prédilection pour ce théâtre. Eh bien, monsieur, qu'on le consule, car les variétés, monsieur, sont aussi dignes d'un consul. Quand donc le consul Cambacérès paraît à ce théâtre, je ne le vois pas. Il entre, il sort sans que je m'en doute, et cependant, le consul Cambacérès est un homme d'un grand mérite, me hâtai-je d'ajouter, et poussant un peu loin la naïveté, « Pourriez-vous me dire, monsieur, pourquoi monsieur le ministre m'a fait arrêter ?»« Arrêtez, vous êtes arrêté ?»« Hélas, oui, monsieur. On m'a enlevé à cette maîtresse que j'aime et qui, maintenant, doit se demander avec effroi la cause de mon absence. »« Ah, monsieur, quand monsieur le ministre connaîtra cette circonstance, il sera fâché de n'avoir pas remis à notre moment le plaisir de vous voir. » Tout cela était dit d'un air si simple et si naturel, avec tant de politesse et une bonne foi si apparente, que je me serais rassuré si j'avais été un autre que j'étais, et si l'inspection de ma personne n'eût pas dû produire une preuve fâcheuse contre moi. Je me tus et parus accepter avec dignité l'espèce d'excuse qu'on me faisait. Au même moment, un huissier sortit d'une porte voisine qui conduisait au cabinet du ministre et dit « Monsieur de Lancey ». Je m'avançai et me laissai conduire chez le ministre. Le ministre de la police était debout dans son cabinet, et quoiqu'il tournât le dos à la cheminée, qui était garnie de deux flambeaux, une lampe placée sur un bureau me permit de voir parfaitement sa figure qui m'était tout à fait nouvelle, comme vous pouvez le croire, et qui depuis m'est devenue familière. Fouché était alors encore républicain, et quoiqu'il secondât les vues ambitieuses du premier consul, et qu'il devinât peut-être déjà la dictature que l'empereur ferait peser sur la France, c'était un de ces hommes dont les convictions premières ne s'effacent jamais entièrement, et d'autant plus coupable quand il change d'opinion, qu'il n'obéisse alors qu'à un sentiment d'égoïsme semblable à ces amants qui quittent une maîtresse aimée et s'attachent à une autre femme tout en regrettant la première. Bonaparte ne s'y est jamais trompé. Il ne s'est fié à Fouché qu'à demi, et dans son intérêt, il aurait mieux fait de ne s'y fier jamais. Cet homme, qui devait être un jour le duc d'Otrante, avait la figure blême, les yeux vifs et petits, la taille élevée, et quoique sa manière de parler fût très persuasive, sa façon adroite et son langage apprêté ôtait quelque chose à son talent de convaincre. Il m'aborda néanmoins librement. J'étais dans ses mains comme l'oiseau déjà pris dans les raies du chasseur, et traité avec moi, ce n'était d'ailleurs qu'un jeu pour un homme aussi adroit et aussi puissant que lui. Il fit quelques pas vers moi, et me saluant avec politesse, il me nomma par mon nom. « Monsieur de Lancey, me dit-il, pardonnez-moi la manière un peu vive dont je m'y suis pris pour obtenir l'honneur de votre visite. » J'ai craint que si je vous priais par écrit de passer à mon hôtel, cela ne vous causa quelque émotion, et j'ai chargé un de mes amis. Un de vos amis, monsieur le ministre, quatre, vous voulez dire. Fouché parut étonné d'apprendre que quatre personnes s'étaient saisies de moi. Il se fit raconter tous les détails de mon arrestation, qu'il savait mieux que personne, et après s'être confondu en excuses. Parlons d'affaires, me dit-il. Le premier consul est fort content de vous. De moi, monsieur le ministre? Ne puis-je m'empêcher de m'écrier. « Oui, de vous. Vous avez quitté l'Angleterre pour rentrer dans votre patrie. Vous avez abandonné le parti des ennemis de la France pour vous rallier aux vrais patriotes. En touchant le sol du pays, vous êtes empressé de vous faire radier de la liste des émigrés. C'est très bien. » En me parlant ainsi, sa bouche souriait d'une façon singulière, et de la main, il me montrait sur une console le buste de Bonaparte, la tête sainte de Laurier, et il me répétait « Le premier consul est enchanté de vous, monsieur de Lancey, mais moi je vous en veux. » Un peu étourdi de cet accueil auquel j'étais loin de m'attendre, et ne sachant pas si Fouché était ma dupe, ou si cette entrevue n'allait pas finir d'une façon tragique pour moi, je me hâtai de dire « Je n'ai jamais eu l'honneur d'approcher de vous, monsieur le ministre, et je ne croyais pas d'avoir été assez malheureux pour... »« Oui, oui, » dit-il avec légèreté, « je vous en veux, monsieur de Lancey. Le diable, pourquoi marchez-vous toujours armé ainsi que vous le faites? Savez-vous qu'il y a des gens logés à Vincennes pour beaucoup moins? Et cela serait fâcheux, n'est-il pas vrai? Un homme comme vous, qui ce soir a tant d'affaires. Rendez-vous de mariage, rendez-vous d'amour. Voulez-vous me donner le pistolet que vous avez dans votre poche? » Stupéfait, anéanti, je tirai mon pistolet de ma poche et je le présentai à Fouché. Je n'étais pas au bout de mes étonnements. Fouché prit négligemment le pistolet, le regarda avec attention, le tourna, le retourna dans ses mains et dit avec nonchalance « Mon Dieu, c'est pure fantaisie, car cette arme n'est pas dangereuse. » En parlant ainsi, il prenait sa baguette et la faisait résonner dans le canon vide. « Vous souvenez-vous, mon ami, continua le marquis, que j'avais chargé mon pistolet avant de partir pour l'opéra. En voyant ce pistolet vide, cette arme qui n'était pas sortie de ma main, je crus à la magie. « Monsieur, me dit Fouché en me congédiant, Maintenant que vous êtes des nôtres, je puis vous parler avec franchise. Renvoyez le petit domestique que vous avez amené de Londres, je doute qu'il vous soit jamais utile, et à moi, il ne m'est plus nécessaire. » J'allais sortir, la figure couverte de rougeur, il me rappela. « Vous comprenez, me dit-il, que je ne crois nullement que vous ayez jamais pensé à faire un mauvais usage de ce pistolet. De ma nature, je ne suis pas soupçonneux. Je pense seulement que vous ne vous croyez pas en sûreté la nuit dans les rues de Paris. Et voilà ce qui me blesse. Soyez tranquille, monsieur de Lancey. La police veille sur vous comme sur les autres citoyens. Il ne vous arrive rien de fâcheux. » Je promis au ministre de la police d'aller désormais sans armes dans les rues de Paris. « Surtout en sans armes anglaises, » ajouta-t-il avec un sourire fin qui lui était particulier. Je pris enfin congé de Fouché. Quand je me trouvais dans la rue, je passais la main sur mon front, pouvant à peine me persuader que j'étais libre. C'était cependant hors de doute. Mon pistolet seul était prisonnier. Pour moi, il m'était loisible de prendre tel chemin qui me plairait. Je pris la route de l'opéra. Quand j'arrivais sous le péristyle du théâtre, la première pièce venait de finir, et je vis sans être vu Mademoiselle von Bürner, qui, suivie de son père, remontait dans son équipage. La vieille dame, cette prétendue connaissance de ma famille, et que j'avais alors des raisons de croire mieux avec le ministre de la police qu'il n'avait jamais été avec aucun Lancey, ne tarda pas à me joindre. « Où vous êtes-vous caché durant les deux premiers actes, cher marquis ? » me dit-elle. « J'ai cru que quelques belles dames vous avaient enlevé. » « J'étais voir, lui répondis-je, un de mes amis intimes, une visite que je ne pouvais remettre. « Vous êtes libre maintenant, marquis ? » ?»« Comme l'air, madame. » Nous prîmes un fiacre pour nous rendre à l'hôtel qu'occupait M. von Bürner, et mon introductrice me présenta comme un de ses amis intimes qui arrivait d'Angleterre et qui pourrait donner à l'ex-fournisseur quelques détails sur différentes maisons de commerce de Londres. M. von Bürner m'a pris à part, et laissant de côté toute ruse et tout détour, « Ma fille vous aime, monsieur, » me dit-elle. « Elle a rompu pour vous un mariage très avancé. Je vous l'offre. » Je voulus me confondre en remerciements. Il m'arrêta. « Vous devez comprendre, » me dit-il en baissant les yeux, « que je n'agis pas librement. Je cède aux instances de ma fille, qui me menace de mourir si je ne lui donne pas le mari qu'elle aime. Un père ne doit pas offrir une fille telle que la mienne, belle, remplie des plus excellentes qualités et riche. Il attend qu'on la lui demande. Je le fais par force, « mais il dépendra de vous que je pense bientôt comme ma fille. »« Vous êtes honnête homme, monsieur. Rendez ma fille heureuse. »« Monsieur, lui dis-je, je n'accepte pas le cadeau précieux que me fait votre fille. Ce n'est pas d'elle-même que je veux la tenir, c'est de vous. Ouvrez-moi votre maison et jugez-moi. »« Vous sentez, mon cher Alfred, continua le marquis, que je négligeais tout à fait les affaires importantes dont la citoyenne Fulvie avait à m'entretenir. » Les messages de son petit domestique à livrée bleue furent inutiles. Je m'attachai à Mademoiselle Berthe von Bürner, et ce fut du fond du cœur que je dis quelques jours après à son père. « Mon cher monsieur von Bürner, je ne vous dirai pas que je souhaiterais que votre fille n'eût rien que sa beauté et sa vertu, cela ne serait pas vraisemblable, quoique cela fût vrai. Je voudrais seulement que vous fussiez moins riche. »« Mon gendre, assez, » répondit monsieur von Bürner. « Ma fille a fait un bon choix. » « Allons à la municipalité. » Je devins l'époux de Berthe, continua le marquis, et riche au-delà de mes vœux, possesseur de cette belle terre dont vous dédaignez le gibier par amitié pour moi, mon cher Alfred. J'abandonnai pour toujours ma place à l'opéra, et je vins vivre ici avec ma femme et mon beau-père. J'étais heureux de tout le bonheur qu'il ait donné un homme d'avoir en ce monde. Fouché avait raison. En venant en France, en faisant un riche et heureux mariage, j'étais devenu des leurs. J'oubliais des princes immobiles de leur façon de voir et d'agir, et enfin, oubliant la liberté comme tant d'autres, je fus fasciné par la gloire et par le génie de cet homme que j'avais voulu assassiner. Les jours de triomphe passèrent, deux fois j'ai vu les étrangers souiller le sol de mon pays, et ces princes pour lesquels j'avais émigré, je les ai vus rentrer, ramenés par l'étranger avec la honte sur le front. Je perdis successivement mon beau-père et ma femme, et mes infortunes privées se trouvèrent ainsi liées au malheur public. Seul, isolé, je résolus de ne pas sortir de cette terre où vivaient pour moi tous mes souvenirs de bonheur. Quelques affaires litigieuses m'amenèrent à Paris, et je résolus d'aller voir Fouché, devenu le duc d'Otrante, et dont, pendant l'Empire, je n'avais pas négligé la fréquentation. Il me reçut comme une ancienne connaissance, comme quelqu'un qui lui rappelait une époque brillante de sa vie, une époque où il était fier de son passé, où il ne répudiait aucun de ses actes. Dans le moment où je le vis, Tout était changé. Il ne rencontrait que des gens ennemis. Il était préoccupé, inquiet, agité. Sa conversation était brusque, saccadée, et il passait sans transition d'un sujet à un autre. Comme il se plaignait de sa santé, qui avait subi quelques sensibles altérations, il s'interrompit tout d'un coup pour me dire « Avouez-le, monsieur le marquis, vous avez voulu tuer l'empereur. » « Jamais, monsieur le duc. »« Je me trompe ? » reprit-il. « Le premier consul ?» Je baissai les yeux. Ce diable de Bonaparte était un homme habile. Il ne faisait pas comme ceux-ci qui crient à la conspiration dès qu'un rapport de police leur apprend que deux hommes se sont parlé dans le tuyau de l'oreille, qui inventeraient des complots plutôt que de s'en laisser manquer. À moins d'une évidence palpable, Bonaparte écrasait les complots dans leurs germes, et après il les niait. Un complot, en effet, met en doute la légitimité du pouvoir, sa force, son existence. À propos, j'ai un pistolet à vous. Et Fouché passa dans un cabinet attenant à la pièce où nous nous trouvions, et leur apporta ce pistolet que je connaissais si bien. Il le considéra, le retourna dans ses mains comme il l'avait fait 20 fois auparavant. « Savez-vous, me dit-il, qu'avec ce pistolet et une bonne histoire qui serait facile d'arranger, on me fera bien noir et Bonaparte bien soupçonneux et bien sanguinaire. Il y aurait de quoi avoir dans un certain pavillon, que je ne veux pas nommer, une bonne pension d'abord, ensuite la croix de Saint-Louis. » Et peut-être mieux. Je m'emparai du pistolet que je mis dans ma poche et je priai monsieur le duc de changer de conversation. Mais Fouché ne paraissait pas disposé à me satisfaire. Savez-vous, me dit-il, que votre petit domestique anglais était un drôle fort intelligent? Il était pendu à Londres pour un vol d'argenterie. Ce petit John, c'est John que vous l'appeliez. Oui, monsieur le duc. Ce petit John me coûtait très cher. Moitié plus que les 6 devant comtesses que j'employais. Eh, mon Dieu! Votre comtesse, à vous, l'ancienne amie de votre famille, vous ne l'avez pas revue, n'est-il pas vrai? Jamais, monsieur le duc. Je m'en doutais. Une femme très rusée, marquis. Elle s'était glissée dans l'intimité de votre beau-père avec une adresse. Elle est morte depuis longtemps. Dieu lui fasse paix, monsieur le duc. Vous n'avez pas d'idée, reprit Fouché, combien j'aime à revenir sur le temps passé. Il y a des gens qui croient que j'aime à éloigner certains souvenirs. Ils se trompent. À propos, et la citoyenne Fulvie, j'espère que vous avez profité de sa bonne volonté. Je répondis que, décidé à épouser Mademoiselle von Burner, j'avais cru devoir être fidèle, même avant le mariage. Fouché admira ma sagesse. Il m'apprit que la citoyenne avait amassé beaucoup d'argent, et qu'en 1806, il l'avait mariée à un bon gentilhomme, à l'heure où il me parlait fort bien en cour. Car la police, me dit-il, n'abandonne jamais ses serviteurs. Quoi ? M'écriai-je, celle-là aussi était des vôtres. Hélas, me répondit-il, il faut bien avoir des amis partout. Ainsi s'achève Le pistolet anglais par Marie Écart.